Réussi à mettre une piste mono sur ma super ma super carte son pourrie. Oh, j'en ai marre d'avoir une carte son pourrie. Bonsoir monsieur Martin. Martin, le roi du synthétiseur. Martin et ses synthés. On se demande si c'est pas des synthés analogiques lui là. Ça vous perturbe tous, hein. Parce que Manu et Emmanuel Macron. Je sais que vous avez tous une pensée pour notre regretté Manu, mais c'est pas lui hein, à quoi je pensais. Hein. Tout le monde a cru que c'était lui, mais il est mort. Je sais plus rien moi. Non, je pensais à Emmanuel Macron. À moins que ce soit Emmanuel Macron qui te perturbe, c'est possible aussi parce qu'il perturbe beaucoup de personnes. C'est ça ? C'est pour ça que ça te perturbe, c'est. Je vous écoute, madame. Allongez-vous sur le divan. Qu'est-ce qui vous perturbe, madame? Qu'est-ce qui vous perturbe? Je vous en prie. Ça remonte à votre enfance, je pense. Quand j'étais petit garçon, on m'appelait Emmanuel Macron. Aucune chance parce qu'il est gay. Je pense qu'il est homosexuel, mais bon, j'en suis pas sûr. Remets-toi en béni. Oh, j'ai envie de me mettre en béni, tu sais. Mais c'est compliqué, tu vois. Et toi, tu t'es bien mis en Charonne que depuis des années, je sais même pas ton vrai prénom. J'aimerais bien connaître ton vrai prénom parce que Sharon Stone, je l'aime bien, mais. C'est comme double basse, c'est la. Ça veut dire. Avec mon super anglais, c'est contrebasse, c'est ça? Bon, voilà quoi. Martin, par contre, c'est plus simple. Il s'appelle Martin, je pense qu'il s'appelle Martin parce que Martin, c'est. Je connais des Martins. Non, je connais pas de Martin en fait. Kirill. Là par exemple, on a Kirill. Kirill, c'est pas russe comme prénom ça. Camarade Kirill, rentrez dans la salle, camarade. Toi bois vodka avec moi. Toi faire musique avec la Russe, Russia. J'aime bien les Russes. Kirill, il doit pas s'appeler Kirill, je pense, dans la vraie. On prend des pseudos, on se cache. Je sais pas pourquoi on se cache d'ailleurs. Moi je m'appelle Benjamin et j'assume. C'est pas grave, on s'en fout. Hein. Je m'appelle Benjamin, Pierre, Manu, Paul, Jacques, Jésus. Ouais, j'aurais pu m'appeler Jésus, tiens. Ouais, Jésus c'est mieux, tiens. Ah si, une fois, je me suis fait engueuler par le patron de Linbot parce que je m'étais appelé Donald Trump et j'avais mis la photo.